Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 13 mai 2017. Voici les grands titres de cette édition. La date du 13 mai rappelle l'avortement du coup d'État de 2015. L'occasion pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir de recommander à tous les administratifs et responsables de ce parti de détruire tous les monuments érigés dans le désordre. Évariste Ndayishimiye se montre également préoccupé par les tueries sélectives et enlèvement des personnes, rappelant que leurs auteurs peuvent frapper partout s'ils ne sont pas démantelés. Et le parti Parena considère que la mise en place de la commission de révision de la Constitution n'aurait pas dû devancer le résultat du dialogue d'Arusha, qui risque de ne servir à rien dans ces conditions. La révision de la Constitution étant un des messages donnés par les manifestants pro-CNDD-FDD à travers leur slogan dans une marche-manifestation organisée dans la capitale Bujumbura. Certains directeurs des écoles de Bubanza ont été convoqués au cours de cette semaine au parquet de cette province pour expliquer la gestion obscure des frais appelés frais de sport payés par les élèves. En plus du Minerval, notre correspondante nous en parlera. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse comme tous les samedis. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Séraphine Hakizimana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je venais de vous le dire, marche-manifestation dans la capitale Bujumbura à l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire du coup d'État manqué du 13 mai 2015. L'un des messages donnés à travers les slogans des manifestants, c'est la révision de la Constitution. Reportage de Pascal Niyangonze. L'ambiance de cette manifestation contient plusieurs messages adressés à la communauté tant nationale qu'internationale disant que l'accès au pouvoir via les coups d'État n'a plus de place au Burundi. Ces messages sont soit écrits sur des banderoles, soit émis à travers des haut-parleurs. L'animateur dit qu'ils sont totalement contre ceux qui ont failli renverser le pouvoir qui avait été élu par le peuple. Les manifestants demandent au gouvernement d'instituer la date du 13 mai pour qu'elle soit parmi les principales dates commémorées officiellement au Burundi. Ces manifestants souhaitent également que la constitution soit amendée. Et selon l'animateur, certains articles de la Constitution doivent être revus pour qu'elles soient enfin soumises à la population et changées par voie référendaire. Ces manifestations ont été organisées par le ministère de l'Intérieur et se sont déroulées dans toutes les provinces du pays. Pascal Niyangonze. L'objectif de construction des monuments du CNDD-FDD n'était ni de faire peur ni de gêner leurs adversaires politiques, mais c'était d'ériger des mémoriaux qui devraient rappeler aux membres de ce parti le coup d'État manqué du 13 mai en 2015. Le secrétaire général du parti au pouvoir, qui fait cette mise au point, recommande aux différents responsables du parti CNDD-FDD et aux administratifs d'enlever ces monuments partout où ils sont construits dans le désordre. Suivez Évariste Ndayishimiye. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2015, il y a eu un coup d'État et heureusement, le peuple s'est levé en assez l'homme, le coup d'État a échoué. Alors, le CNDD-FDD, qui se sentait beaucoup plus blessé que les autres, a pris la mesure de faire une sorte de monument pour ne pas oublier. Ça devrait être un monument commun pour tous les Burundais, mais il y a ceux qui ne veulent pas ce qu'ils veulent. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème sera quand il y a un désordre dans la mise en place de ces monuments. Il peut arriver que quelqu'un installe le monument dans une propriété d'hôtel ou gêne la circulation dans les routes. Alors, je demanderai à l'administration si un tel monument gêne la vie des citoyens, ça devient un objet gênant, ce ne serait pas un objet de mémorial. Donc, je voudrais interpeller tout le monde, les membres du CNDD-FDD y compris, de bien vérifier s'il y a des monuments qui sont installés sur des lieux qui servaient à autre chose ou qui gênent la circulation ou des propriétés des tiers, il faut que ces monuments soient enlevés et les mettre dans d'autres endroits qui ne gênent pas la vie des citoyens. J'ai vu aussi qu'il y a des messages qui portent des doutes pour d'autres citoyens, qui d'ailleurs qui font peur à certains citoyens. Alors là aussi, j'ai demandé au secrétariat national chargé de l'idéologie de composer des messages à y mettre comme ça. Celui qui voudra va choisir un message qui lui convient. Mais cette fois, ça sera un message quand même qui est digestible pour tout le monde. Le secrétaire général du parti au pouvoir se dit profondément préoccupé par des tueries sélectives et des enlèvements qui se font ces derniers jours. Évariste Ndayishimiye appelle les Burundais à se coaliser pour barrer le chemin à ceux qu'il appelle les terroristes. Il estime que personne ne devrait pas penser qu'il est épargné de ces crimes car leurs auteurs peuvent frapper dans son rang s'ils ne sont pas démantelés à temps. Encore une fois, on l'écoute. Je fais un appel à tous les citoyens de se coaliser, nous tous, de se coaliser pour empêcher ces terroristes qui enlèvent les gens pour arrêter. Il suffira que tous les citoyens s'y mettent. Où est-ce qu'il va passer? Alors, j'interpelle tout le monde. Qu'il n'y ait personne qui se sent non concerné. Tout le monde est concerné. Parce que si aujourd'hui ils enlèvent celui-là, demain il va enlever l'autre. Il y a qui peut penser que ce sont ses amis. Mais il a des cousins, il a des frères. Il a des amis qui peuvent être demain, être à lever et aussi. Donc il faut que nous tous, nous nous levons en sérum et puis on barre les gens à tous les criminels. Voilà, c'était le secrétaire général du parti CNDD-FDD et le parti MRC Lourenzangemero dénonce également les cas d'enlèvement qui sont devenus monnaie courante à travers le pays. Le porte-parole de ce parti demande à la population de se lever et empêcher ce phénomène. Pour d'autres arrestations, Eric Nguburundi demande que les procédures régulières soient respectées. Suivez. Nous observons toujours les violations des droits humains qui n'ont jamais cessé. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des arrestations arbitraires et aussi des enlèvements forcés et des innocents ou plus tard qui sont retrouvés morts et qui deviennent monnaie courante pour le moment. Malgré les cris et les alarmes des Burundais, des parents, des maires et de la communauté tant nationale qu'internationale, et malheureusement, nous regrettons qu'il y a des institutions concernées et qui se font toujours la sourde oreille. Il est même difficile d'identifier qui commettent ces bavures du moment que tantôt ce sont les hommes en uniforme et des agents du service national de renseignement, mais curieusement nous observons qu'il y a aussi des inconnus en tenue civile selon les sources dans les communes et dans les provinces. Il y a des gens qui s'arrogent le droit d'arrêter et d'enlever ces civils. Alors nous nous disons qu'il est grand temps que la population elle-même pense à se lever, à refuser ça au niveau des localités, au niveau des communes et des provinces, parce que il y a des gens innocents qui sont enlevés par des gens inconnus. Donc, il faut qu'ils se lèvent, mais aussi nous lançons un appel à l'endroit des parquets. Et il faut qu'il y ait des papiers reconnus par l'administration au niveau de la justice, au niveau des parquets. Il faut que ça soit autorisé par les procureurs. Sinon, c'est du désordre, c'est du cafouillage. Nous, nous disons alors que cet acte et ce genre d'activité doivent être cessés. Ce ne sont que des bavures, des bassesses qui s'observent. On dirait que nous sommes dans la période de l'esclavage ou de la colonisation. Donc on ne peut pas empêcher tout le monde d'avoir la liberté de circuler ou de s'exprimer. Parce que c'est cet endroit le plus inaliénable, mais aussi cet endroit le plus absolu, le plus reconnu par notre constitution de la République. La radio de l'avenir. Le parti UPRONA demande à la nouvelle commission chargée de proposer le projet d'amendement de la Constitution d'organiser un débat entre les acteurs politiques afin de dégager un consensus sur les dispositions à amender. Le porte-parole de ce parti considère que la commission prendra également en compte le résultat du dialogue qui se tient à Arusha. Selon Pansien Ndayishimiye, la mise en place de la commission est un signe éloquent que le gouvernement est engagé, même seul, à réviser la constitution. Suivez Pansien Ndayishimiye au micro d'Alain Désiré Bokayenez. D'abord, le chef de l'État fait suite au rapport de la CNDI, au débat populaire qui a eu lieu dans tout le pays. Deuxièmement, c'est un signe éloquent que le gouvernement est engagé à réviser la constitution de la République du Burundi. Mais vous savez que la constitution actuelle est le fruit des accords d'Arusha qui ont été signés après de longues négociations entre les acteurs politiques. Nous recommandons à la commission qui vient d'être mise en place d'organiser un débat entre les acteurs politiques pour qu'ils dégagent un consensus sur les dispositions de la Constitution qui doivent être révisées. La mise en place de cette commission intervient juste avant la fin du dialogue qui se tient à Arusha. Quel sera alors le sort du résultat du dialogue d'Arusha ? Nous espérons que la commission qui vient d'être mise en place va tenir en compte les résultats des négociations du dialogue d'Arusha. Ce n'est pas demain après-demain que la commission va donner son rapport. Et nous espérons que le dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha va se clôturer avant la révision de la constitution. Et donc la commission va tenir compte des résultats du dialogue inter-burundais qui se tient à Arusha. Et le parti Parena considère que le résultat du dialogue d'Arusha ne servira à rien aussi longtemps qu'il aura été devancé par la commission de révision de la constitution déjà mise en place. C'est pourquoi le président de ce parti dit soutenir la révision de la constitution après la clôture du dialogue d'Arusha. Suivez Zenon Nimouona au téléphone d'Alain Désiré Bokenet. Du point de vue du Parena, nous soutenons qu'il y ait une révision de la Constitution, mais après le dialogue d'Arusha. Parce que le dialogue d'Arusha, au cœur des débats, ce sont le statut, la mise en œuvre des accords d'Arusha. Alors, c'est après évaluation de cette mise en œuvre qu'on devrait statuer s'il faut changer, oui ou non, la Constitution. Alors, si la Constitution change avant que ce débat n'ait lieu et ne se termine, ça veut dire que le gouvernement rejette purement et simplement les négociations d'Arusha. Et si cette commission intervient juste avant la fin du dialogue d'Arusha, en quoi servira le résultat de cet accord ? Absolument à rien, parce que c'est le résultat du dialogue qui devait conduire à la révision de la Constitution. Maintenant que l'on met la charie avant les deux, les discussions ne serviront plus à rien. Notre proposition est que le dialogue d'Arusha se poursuive afin d'évaluer la mise en place des accords d'Arusha via le respect de la Constitution, parce que la Constitution est une émanation des accords d'Arusha. Alors, si on révise unilatéralement la Constitution sans considération du dialogue autour de la mise en œuvre des accords d'Arusha, je trouve que c'est saboter purement et simplement les négociations d'Arusha. Nouvelle des provinces à présent, certains directeurs des écoles de Bubanza ont été convoqués au cours de cette semaine au parquet de cette province pour expliquer la gestion obscure des frais appelés frais de sport payés par les élèves en plus du Minerval à raison de 1000 francs par élève. Le détail avec notre correspondante Spescaritas Cavagnana. Sur certaines écoles secondaires de cette province de Bubanza, les élèves à côté du Minerval paient une somme de 1000 francs appelée frais de sport et une autre somme qui varie entre 1000 et 2000 francs appelée frais de livres et laboratoire. Ces frais de sport sont donc partagés entre la direction communale de l'enseignement et la direction provinciale, mais cette partie qui devrait être virée sur un compte de la direction provinciale cause des problèmes depuis quelques jours, raison pour laquelle certains directeurs des écoles secondaires ont été convoqués au parquet de Bubanza au cours de cette semaine pour expliquer la gestion de cet argent. Le directeur provincial de l'enseignement à Bubanza indique que ceux qui ont pu comparaître ont expliqué qu'ils ont utilisé cet argent dans des activités sportives à l'école. D'autres ont des arriérés de plusieurs années qu'ils doivent payer et virer sur le compte indiqué. À part les frais de sport, on devrait également enquêter sur l'utilisation des frais de livres et laboratoires, puisque la gestion de cet argent payé par les élèves et qui varie selon les écoles reste obscure selon les parents contactés. Et une quinzaine d'hectares ont été attaqués par des chenilles légionnaires sur différentes collines de la commune Kayokwe en province Mwaro. Les responsables administratifs disent que la zone gâtouée de cette commune était la plus menacée. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage rassure que les produits pour lutter contre ces ravageurs sont déjà disponibles, tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas suffisants. Laurent Dicourillo. Ces chenilles légionnaires qui détruisent les feuilles de la culture du blé sont signalées sur toutes les collines de la zone Gatwe de la commune Kayokwe. Elles sont signalées également sur quelques collines de la zone Kayokwe comme Ruramba et Kiwogoye, d'après Onesfo Niungeko, conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales en commune Kayokwe. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province Moaro, François Ninéretse, dit qu'après avoir eu écho de la présence de ces chenilles légionnaires dans cette commune il y a environ une semaine, il a informé la direction pour la protection des végétaux pour avoir la solution à y apporter. Il précise que quelques médicaments phytosanitaires ont été rendus disponibles par cette direction ayant la protection des végétaux de la distribution. François Ninéretse, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province Moaro, demande aux cultivateurs de se regrouper en association pour s'acheter ces médicaments phytosanitaires appelés Durciban et Dimétoate qui sont disponibles dans les pharmacies de Gitega et Bujumbura. Il précise en outre que la culture du blé occupe une grande place car, pratiquée surtout dans la région du Mugamba de la province Moaro, elle est la quatrième culture pratiquée par les agriculteurs dans cette province après le maïs, le haricot et la patate douce. Le conseiller technique chargé des affaires administratives en commune Kayokwe, Onesfo Niyungeko, lui emboîte le pas en précisant que le blé aide la population en période de soudure si la récolte du maïs s'avère insuffisante. Il est également une source de revenus pour les agriculteurs car au marché, un kilo de blé vaut aujourd'hui 1500 francs. De Moaro, Laurent Dikulio, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro Chronique. Nous parlons culture ce samedi et Christian Savier nous entretient avec Madame Francine Mugnana sur le rôle d'un directeur d'un festival, un rôle central dans la coordination et l'organisation du festival. Madame Francine Mugnana, elle est la directrice du Festival international de l'audiovisuel et du cinéma au Burundi, Festicab. Christian Savier. Un directeur d'un festival doit être doté de plusieurs talents et qualités pour bien assurer son rôle d'organisation et de coordination comme l'endurance, la gestion de stress, etc. La directrice du festival cette année est Madame Francine Mugnana. Elle nous parle ici de son rôle. La directrice d'un festival est chargée de coordonner toutes les activités d'un festival, c'est-à-dire la programmation, la communication, les relations publiques et les sponsors. Francine Mugnana organise et coordonne des départements. Dans chaque département, il y a un cahier de charge qui est déjà là. Et la directrice est chargée de voir si ce cahier de charge est bien suivi. Une fois par semaine, on fait des réunions pour la mise au point, de voir où nous en sommes avant la semaine du festival. Francine donne un exemple. Alors, par exemple, pour la communication, il doit gérer tout ce qui est communication. Les journalistes, les réseaux sociaux, le site. Tout ce travail, c'est avant le déroulement du festival. Et pendant le festival, elle et son équipe doublent d'efforts. Alors, pendant le festival, la directrice a d'abord le rôle d'être en contact avec tous les festivaliers, que ce soit les invités internationaux ou les invités nationaux, durant les deux soirées de Festicap. Et puis aussi, la directrice a le rôle d'être parmi le public qui regarde les films dans les différentes salles. La directrice doit également, bien entendu, continuer son travail de gérer et de voir si tous les départements sont en train de bien fonctionner. Alors, lorsque tu as une très belle équipe comme la nôtre que nous avons pour cette année, tout se passe très bien. La directrice a un compte à rendre à l'échelon supérieur. Alors, le président est comme le représentant légal du festival parce que le Festicab est une association. Alors, la directrice rend compte au président, qui est le représentant légal, qui a toujours un œil sur tout ce qui se passe dans le festival, toutes les préparations qui se passent durant le festival. Après le festival, le travail n'est pas fini. Francine nous en parle. Après le festival, c'est d'abord les rapports financiers et les rapports narratifs, c'est s'auto-évaluer et puis après c'est la préparation de l'édition suivante. Cette édition dont elle parle sera la 10e puisque cette année c'est la 9e qui va débuter le 19 et prendre fin le 26 mai 2017. Voilà, c'est sur cette chronique culture qui nous parlait du rôle central dans la coordination et l'organisation du festival que nous bouclons ce journal. En vous rappelant que la date du 13 mai rappelle l'avortement du coup d'État de 2015, l'occasion pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir de recommander à tous les administratifs et responsables de ce parti de détruire tous les monuments érigés dans le désordre. Évariste Ndayishimiye se montre également préoccupé par les tueries sélectives et enlèvements des personnes, rappelant que leurs auteurs peuvent frapper n'importe où s'ils ne sont pas démantelés. Et le parti Parena considère que la mise en place de la commission de révision de la Constitution n'aurait pas dû devancer le résultat du dialogue d'Arusha qui risque de ne servir à rien dans ces conditions. La révision de la Constitution, c'était un des messages donnés par les manifestants, les militants du CNDD-FDD dans leur manifestation commémorative du 13 mai. Et certains directeurs des écoles de Bobanza ont été convoqués au cours de cette semaine au parquet de cette province pour expliquer la gestion obscure des frais appelés frais de sport payés par les élèves en plus du Minerval. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et Léonce Vitaliho me rejoint dans ce studio pour la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. Bujumbura, dos au mur, le journal Iwacu s'interroge. Il revient sur la proposition de résolution d'urgence sur la situation du Burundi adressée par le Parlement burundais à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Le Parlement burundais demande la levée des sanctions prises par l'Union européenne contre Bujumbura. Ce sont des sanctions qui affectent énormément la population dans des domaines variés comme la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et l'appui au développement durable. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a dit le 9 mai que la situation n'en s'est pas encore normalisée depuis les événements de 2015, contrairement au ministre burundais des Relations extérieures qui déclare que la paix et la sécurité règnent sur toute l'étendue du territoire. Un activiste burundais des droits de l'homme dit toujours à travers Iwacu, je cite, qu'on laisse alors les experts onusiens venir enquêter. L'hebdomadaire Iwacu écrit aussi sur la polémique autour des patrouilles. Des blindés et des pick-up de la police et de l'armée font des patrouilles dans la capitale la nuit tombée depuis une semaine. À en croire notre confrère, ces patrouilles démontrent qu'il y a anguille sous roche, sinon l'armée et la police ne s'exciteraient pas de la sorte. Le porte-parole de la police reconnaît qu'il y a eu beaucoup de rumeurs ces derniers jours. Elles ont existé dans le passé et existeront toujours, dit-il. Pour lui encore, la sécurité est totale à Bujumbura et en province. Et d'expliquer que lorsqu'il y a de fausses informations, des rumeurs d'attaque, l'une des stratégies des forces de l'ordre est justement une démonstration de force à paraître pour rassurer les citoyens. Les files d'attente des bus assurant le transport en commun se forment plus tôt que d'ordinaire, écrit l'agence burundaise de presse. Le transport en commun devient de plus en plus difficile dans la ville de Bujumbura. Les files qui se forment au parking des bus desservant la commune Muha en disent davantage, poursuit la BP. Actuellement, avec l'insuffisance du carburant, la situation s'est aggravée de façon que les lignes d'attente se forment à partir de 13h, temps devenu heure de pointe suite aux élèves qui rentrent des classes et d'autres personnes qui préfèrent vider les lieux très tôt à cause de la diminution des bus liée justement à la carence de carburant. Le magazine Burundi Echo écrit lui aussi sur la carence de carburant, une situation qui paralyse l'activité économique et tout le monde se pose des questions. Renchérit l'hebdomadaire, personne ne trouve de réponse. Et au journal de se demander combien de temps doit-on passer sur les files d'attente pour être approvisionné en carburant? Combien de temps doit-on attendre le bus pour aller vaquer à ses activités quotidiennes? Combien de fois serait-on en retard au travail ou à l'école les prochains jours? Revue de la presse. La jeunesse burundaise fait face à un grand défi qui est le chômage. Mais il y a une erreur de sa part, selon la communauté des blogueurs Yaga, c'est celle de détester le bénévolat. Même si certains essaient de s'en sortir tant bien que mal par l'entrepreneuriat, la plupart des jeunes chômeurs préfèrent rester chez eux en attendant un improbable lendemain meilleur. au risque d'en froisser certains, pourquoi ne pas faire du bénévolat et acquérir une expérience professionnelle qui pourrait nous être utile plus tard, s'interroge Yaga. Certains jeunes ont déjà essayé et tout en se formant, soutient le billet, ils se retrouvent en train de contribuer au bien de la communauté. La perception du Minerval mérite d'être réglementée. Selon le journal La Voix de l'enseignant, les directions des établissements secondaires fixent le montant des frais scolaires à leur guise. L'exemption dont jouissent les élèves du cycle fondamental n'est pas respectée. Les parents jettent le tort au ministère de l'Éducation nationale qui ne sévit pas contre les directeurs qui violent sciemment la loi. Ils demandent la mise sur pied d'une ordonnance ministérielle régissant le paiement du Minerval, comme il en a été le cas pour les cours de renforcement. Il est toujours pratiquement impossible de dire le montant des frais du Minerval qu'un élève du secondaire doit payer trimestriellement. Ce montant varie d'une école à une autre et change d'une année à l'autre, voire d'un trimestre à l'autre, à en croire encore La Voix de l'enseignant. La Voix de l'enseignant qui écrit aussi sur le redéploiement qui va s'opérer au cours de ce troisième trimestre. Ça ne profitera à personne, que ce soit les écoliers ou les enseignants. Ceux-ci proposent que l'opération soit reportée pour les grandes vacances, sinon les activités de fin d'année risquent d'être perturbées. Les enseignants sont très surpris du début de cette activité au milieu du mois de mai, alors qu'il ne reste que 3 semaines pour clôturer le trimestre, mieux encore l'année. Notre confrère estime que le secteur de l'éducation est toujours en déstabilisation. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Jean-Bosco Ndouimana et Léonce Bitaliho. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.